Tu veux voir ma calculatrice? Allez, viens avec moi, on va compter jusqu'à 100. On va dessiner les courbes. Je vais t'expliquer les pourcentages. T'as l'air tout enjoué, dis donc. T'as déjà tracé un graphique à la main. Avec un crayon 2B. J'ai chez moi toute une fiche statistique sur le détendre. Je dirais qu'on y jette un petit œil. Et les cigognes d'Alsace. Savais-tu qu'elles avaient un régime carnivore? Bah t'es bien de pas quand même, je veux dire c'est que cigogne. Ah, je ferai découvrir mon poulier. Comme tu divises par 1, en fait, ça change pas le résultat. Et c'est pareil si tu multiplies par 1. Par contre, si tu ajoutes 1, ça fait 1 en plus. Par exemple, 1 plus 1, ça fait 2. Et si tu retranches 1, ça fait 1 en moins. Je prends le même exemple. 2 moins 1, ça fait 1. C'est quoi ton chiffre préféré? Ouais, j'aime bien le 9. Mais faut pas le dire, hein. Viens ensemble, on va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu aimes les fonctions croissantes? Les sinus et les cosinus. Calme-toi. Je les connais, là, les sinus. Calme-toi. Et si t'es sage, je te ferai un croquis.